Ah, comment ça va, monsieur Roland? Allez, filez le cahier. Encore le relais? Oui, toujours lui. Ben, j'ai calculé, en moyenne, il commet 11 délits par semaine. Vous faites des statistiques maintenant? Ah oui. Vous êtes vraiment payé à rien foutre, hein? Ça, monsieur Roland. Ah, allez, allez, allez, allez me chercher un café au lieu de discuter sans arrêt. Du point de vue que l'homme a beaucoup d'expérience. La science doit nous donner un compte-rendu de ses expériences en les exprimant par des lois. Mais que signifient ces lois? Eh bien, une expérience que nous avons, c'est l'expérience de la répétition. Le soleil se lève à des heures prévisibles, la lune, les éclipses, les marées. Et c'est cette répétition qui a donné lieu au fond, aux lois de la mécanique, généralisées ensuite par la mécanique quantique, par la relativité. Mais il y a une seconde expérience que nous avons, et sur laquelle les philosophes ont surtout insisté. C'est l'expérience de la créativité. C'est l'expérience de la nouveauté. C'est l'expérience de l'œuvre d'art. C'est l'expérience de Michel-Ange, de Mozart. Cette expérience est réelle. C'est l'expérience, d'ailleurs, dans laquelle la direction du temps joue un rôle fondamental. Parce que si nous avons cet entretien, il y a un élément nouveau. Enfin, nous espérons que l'auditeur qui aura regardé cette émission, eh bien, on gardera un petit souvenir, bon ou mauvais. Mais de toute manière, il y a un élément nouveau qui s'est ajouté. Alors, c'est difficile d'imaginer que nous soyons comme au cinéma devant un film qui a déjà été fait et que nous assistons à ce film et nous ne savons pas qui va être tué et qui va tuer, mais celui qui a fait le film le sait, ce qui est la conception déterministe. Donc, l'univers est construction. Donc, nous devons arriver à formuler les lois de la physique en y incluant la flèche du temps. Je dirais qu'au fond, nous arrivons à une autre conception de loi de la nature. La loi de la nature n'est plus associée à des certitudes, mais à des possibilités. Et l'avenir est ouvert, l'avenir se construit. Le chimiste qui crée de nouvelles molécules participe à la construction, modestement, mais participe à la construction de l'univers. Nous participons. Et c'est là une conception de la réalité que je crois qu'Einstein aurait peut-être accepté. Parce que là, de nouveau, l'homme ne joue pas ce rôle extravagant que la mécanique quantique voulait lui faire jouer. L'homme fait partie de cet univers en construction. Mais vous voyez que, et c'est ça, je pense, et c'est bien entendu vrai ou non, les générations futures décideront, que c'est peut-être cela l'apport essentiel de la seconde moitié du XXe siècle. C'est un univers évolutif, un univers qui raconte une histoire, un univers que j'aime comparer quelquefois aux mille et une nuits, dans lequel Scheherazade raconte une histoire, s'interrompt pour raconter une histoire plus belle encore. Un univers temporel, un univers qui ne sépare plus l'homme, dans lequel le temps ne sépare plus l'homme de la nature.